Caroline et Lisa. Sa bouche et sa façon de bouger. Ouais, mais Lisa m'attire. Lisa me touche tant. Elle ne fait pas d'effort. Je me sens pris au piège. Elle fait pas d'effort. Non, Caroline fait autant. Elle ne fait pas d'effort. Je me sens pris au piège. Elle fait pas d'effort. Aux autres m'arrive. Non, je disais à l'époque Ish, mais Ish, je ne me voyais jamais, jamais avec Togo. Togo, tu brises mon couple. Maintenant, je ne peux que taper la bouche. Et tout le soir, tu me verras claquer les dents. J'ai peur que Caroline arrive. J'ai peur que Lisa se pointe aussi. Lisa me touche tant. Elle ne fait pas d'effort. Je me sens pris au piège. Elle fait pas d'effort. Non, Caroline fait autant. Je me sens pris au piège. Elle fait pas d'effort.